Nous continuons notre série spéciale sur le travail de l'Esprit Saint. Le travail de l'Esprit Saint dans l'Église et dans le chrétien. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions que tu es présent aujourd'hui avec nous. Que tu es ici, que tu désires nous enseigner, nous amener à comprendre tes vérités. Père, nous te demandons simplement d'ouvrir nos yeux pour que la parole ait un sens aujourd'hui, pour que le don spirituel de la présidence, du leadership, Seigneur, devienne vivant, devienne actuel, devienne utilisable et compréhensible. Voilà notre désir, c'est de mieux saisir ta parole et pouvoir l'utiliser au quotidien, sans plus, sans moins. Seigneur, voilà pourquoi nous ouvrons ta parole 2000 ans après que celle-ci a été écrite. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, on étudie les dons spirituels après avoir étudié la vérité et la théologie de l'Esprit-Saint. Nous avons regardé aussi la plénitude de l'Esprit-Saint. Et maintenant, nous regardons les dons spirituels les uns après les autres. Et nous sommes rendus dans le même texte encore, dans 1 Corinthiens 12, que nous allons ouvrir ensemble maintenant. 1 Corinthiens 12. Si vous n'avez pas de Bible, il y en a devant vous, sur les chaises, et peut-être derrière, peut-être en amener une. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. Un seul, alors 4 à 11, voilà, nous pouvons commencer peut-être un peu plus loin, à verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Ça, évidemment, c'est les dons miraculeux, mais un peu plus tôt, on voit les dons de service. Les dons de service. Les dons de service, c'est ceux qui nous permettent d'aider dans le corps du Christ. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, je regarde avec vous juste un instant. L'interprétation des langues, prophétie, opérer des miracles, guérison, la foi, la connaissance. Voilà, oui, miracle, opère, distribuant. C'est ça. C'est que le meilleur passage, finalement, ici, c'est mentionné en général. Le meilleur passage pour le don de la présidence ou du leadership, c'est dans Romains. Alors, je vous fais tourner tout de suite à Romains. Alors, nous regardons ensemble dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 7. 12-7. Romains, c'est le livre qui précède 1 Corinthiens. 12-7. Si c'est le diaconat qu'on a regardé la semaine passée, le service, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Avec joie. Donc, ici, le mot est « présider ». Et dans 1 Corinthiens 12, 28, je vous le lis simplement, c'est « gouverner ». Les dons de guérir, de secourir, de gouverner. Présider, gouverner. Le titre aujourd'hui, c'est « Pilote, veille bien de vos âmes ». Pilote, veille au bien de vos âmes. Nous avons parlé dans le passé du fait qu'il y a des gens qui rament, des sous-rameurs. Vous vous souvenez, des gens qui travaillent dans le cœur du bateau à faire avancer le bateau de l'Église, le bateau de la pensée humaine. Ici, nous regardons ceux qui se retrouvent sur le bateau à essayer de diriger ce navire. C'est pas évident. Et on a dit la semaine passée que le service, c'était tout à fait important parce que sans les rameurs, le bateau n'avance pas. Sans les rameurs, le bateau n'avance pas. Pilote, veille au bien de vos âmes. Moody, qui était un grand prêcheur américain, disait ceci. Il est mieux d'entraîner, de préparer 10 personnes que de faire le travail de 10 personnes. L'idée, c'est qu'on est mieux de se reproduire en d'autres que de faire tout le travail nous-mêmes. C'est la capacité de donner à l'autre un désir de servir et d'être impliqué. C'est ça le leadership, finalement. C'est bien important dans l'Église, c'est important dans le gouvernement, c'est important dans tout organisme, une école, tout organisme où il y a besoin d'une présidence, d'un leadership. C'est celui qui donne à l'autre la capacité de reconnaître ses propres talents. On dit que celui qui veut être en charge d'un orchestre doit être prêt à se tourner le dos au public. Pensez-y. Oui, il est à la tête, mais on ne le voit pas. Il est tourné, et ce que l'on voit, c'est les musiciens. C'est eux qui deviennent finalement les stars, ou c'est eux qui finalement font le son, alors que le chef d'orchestre, lui, ne fait qu'encourager à créer une belle musique. Alors, le don de l'administration, le don de la présidence. Le mot grec, ici, dans Romains 12, c'est justement le mot prohistémie. C'est important de retourner là-dessus parce que, ou sinon, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire, celui qui préside avec empressement? Présider quoi? C'est quoi présider une soirée spéciale? Non. Prohistémie, ça veut dire être devant, présider évidemment, être en charge, être un leader. Et vous savez que le mot leader, c'est un anglicisme, mais ça a été utilisé en français maintenant parce qu'il n'y a aucun mot équivalent en français. Être un leader, quelqu'un qui sait guider. Ce même mot-là est utilisé dans 1 Thessaloniens 5, qui dit ceci, regardez. « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour. » À cause de leurs œuvres, soyez en paix entre vous, qui vous dirige dans le Seigneur. Alors voilà, ça c'est une description d'un pasteur, on espère, quelqu'un qui vous dirige dans le Seigneur, une direction, qui amène une direction. Là, on dit que c'est le mot prohistémie qui est présidé, qu'on voit dans Romains 12:8. Alors que dans 1 Corinthiens 12:28, c'est le même don spirituel, c'est gouverner, hein, gouverner, on a parlé de gouverner. Gouverner, c'était kubernesis, un autre mot. Pourquoi c'est important? Parce que dans le temps où ça a été écrit, kubernesis, ça voulait pas dire gouverner une église, ça voulait pas dire être en charge d'un groupe, ça voulait pas dire être un président, ça voulait être simplement dire quelqu'un qui dirige un bateau, quelqu'un qui gouverne un bateau. C'est ça le mot. Alors, il me semble que tout de suite, on a une image assez forte. Si c'est un petit bateau comme le nôtre, il faut quand même qu'il soit gouverné. Si c'est un grand bateau comme le gouvernement québécois ou le gouvernement, les Nations Unies, il faut que ça soit gouverné et il faut que ça soit bien fait. Et c'est, comme on le sait, pas toujours bien fait. Hein? Mais il faut que ça soit bien fait ou sinon ça amène beaucoup de problèmes. Donc, gouverner un bateau, gouverner, diriger un bateau. On parle de gérance ici. Oh, mais gérant, ça c'est quoi? C'est un magasin? Tu parles d'un magasin? Pour moi, c'est intéressant. Tu sais, un gérant, tu penses souvent à un gérant de restaurant ou un gérant dans un magasin de vêtements. Non, on parle d'une gérance. C'est comme utiliser ce qu'il y a devant vous pour maximiser un groupe. Maximiser un groupe. Permettre aux gens d'avoir une pleine capacité dans leur organisme. Finalement, c'est mobiliser les gens. Vous savez, quand c'est un bon leader, il est capable de vous faire réfléchir au fait que vous êtes plein de talents et que vous devriez les utiliser. Sans mettre de pression, cette espèce d'équilibre-là. Il mobilise le leader spirituel, inspiré par l'Esprit-Saint, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, est capable de mobiliser les gens à vouloir être dans le bateau, premièrement. Tu sais, souvent, l'idée, c'est moi, en anglais, on dit « I'm jumping ship ». Je me sauve de ce bateau-là, je débarque parce que c'est malade. Alors que le leader, il vous invite à rester dans le bateau. Il a une vision. Celui qui est le président ou le leader, c'est aussi celui qui amène une destination. Il faut savoir où on s'en va. Dans une église, dans un gouvernement, dans une communauté comme Montréal. Si le maire n'a pas d'idée où la ville s'en va, des fois on se demande, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi il y a des déchets partout? Pourquoi est-ce que l'école bleue? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce qu'on a une vision? C'est bien important. C'est celui qui a une destination. C'est celui qui est capable aussi physiquement de manipuler le bateau pour l'amener à bon port. Ça a du sens, n'est-ce pas? C'est ça le don du leadership, le don de la présidence. Dans le livre de l'Apocalypse 18, verset 17, je vous le lis. Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous et toutes les travailleurs de la mer se tenaient à distance. Ici, le mot pilote, c'était le même mot, kubernesis, qui veut dire vraiment gouverner un bateau. Donc, c'est utilisé dans la parole. Bon. Le mot kubernesis, c'est aussi, on prend le mot cybernétique. Vous connaissez ce mot-là, cybernétique? Ça me semble que ça fait penser aux robots, puis à une espèce de côté biologique, robotique. Ben, effectivement, le mot cybernétique vient de Kubernetes, et c'est la science de l'utilisation du cerveau en relation au corps. Le cybernétique, c'est votre cerveau qui contrôle votre corps de bonne façon. On sait que quand ça fonctionne pas, quand ton cerveau a la difficulté d'envoyer des messages à ton corps, tu te retrouves à être en grand problème. Et d'ailleurs, il y a des maladies, c'est justement ça. C'est l'incapacité, la connexion entre le cerveau et le corps. Et le corps fait ses propres choses. Le cerveau, lui, est ailleurs, il est dans la lune. Et puis, on remarque des aberrations physiques. La cybernétique, c'est ça. C'est comme une unité entre la tête et le corps. Évidemment, on voit l'image de l'Église ici. L'image de l'Église, c'est que vous êtes le corps. Nous sommes le corps. La tête, c'est Christ. Si Christ veut que le corps de l'Église ici, ou le corps de l'Église mondiale, s'en va vers un objectif, une destination, et que nous, on fait notre propre chose, notre propre développement, ben, on se retrouve dans une relation malade avec Dieu. D'ailleurs, on sait que c'est beaucoup le cas dans toutes sortes d'églises qui se disent « Ah, mais moi, la Bible, moi, ce que je connais de Dieu, c'est pas tout à fait ça que je veux utiliser. Je veux suivre mon propre chemin. » Et ça fait des aberrations des églises avec des pensées bien étonnantes, c'est le moins qu'on puisse dire, et des aberrations qui fait que l'Église ne grandit pas selon la destination et le désir de Christ. L'idée de mobilisation pour obtenir un objectif, c'est ça, le leadership. Écoutez, le pasteur, on va prendre l'idée du pasteur, c'est pas lui, c'est pas à lui le bateau. C'est pas son bateau. C'est mon bateau. Suivez-moi. Embarquez. C'est pas ça du tout. Il est simplement le capitaine pendant une saison et d'une certaine façon. Et ce bateau-là appartient à Christ. Finalement, le bateau appartient à un propriétaire et il y a ensuite un capitaine. Quelqu'un qui pilote le bateau, mais il sait très bien que ce bateau de 4 millions, 10 millions, whatever, ne lui appartient pas. Il est mieux de prendre après une roche. Il est mieux de faire attention aux passagers. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un qui justement était un pilote de bateau et il pourrait vous en parler davantage, mais je crois que c'est ça. C'est qu'il faut être bien sensible à l'utilisation de cette machine-là. Donc, l'idée d'un pasteur, c'est ça. Moi, j'essaie d'être sensible à l'utilisation de votre Église et de l'Église de Christ. Le leadership. Alors, une définition claire du leadership. Là, on parle de tous ces mots-là grecs. Le leadership, c'est l'habileté de voir un objectif, de le rendre formel, de mobiliser un groupe et ensuite d'aller ensemble vers cet objectif-là. C'est ce qu'on essaie de faire à Carvajal pour Montréal depuis un an et demi. Faut se le dire. On essaie de voir un objectif, aller là ensemble et de vous équiper à être et des sous-rameurs, et des leaders. Plus on est finalement de pilotes, plus on peut avoir toutes sortes de bateaux qui se rendent au même endroit en même temps. C'est ça l'idée aussi, hein? De travailler ensemble pour une cause commune. Bon. Il faut faire une distinction entre le leadership et la sagesse. C'est deux choses. la sagesse et le leadership. Parce que le mot kubernétisme, qu'on disait qu'était diriger un bateau, est utilisé dans l'Ancien Testament, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et à chaque fois, kubernétisme est en association avec la sagesse. Bon, c'est pas toujours vrai que le pasteur, le président, le premier ministre est très sage. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Dans Proverbe 12, le mot kubernésis est utilisé pour parler de la conduite, une bonne conduite. C'est important. Vous savez, pour suivre le leader, c'est pour ça que quand les présidents et les premiers ministres se mettent à faire toutes sortes de niaiseries dans leur vie privée, on commence à avoir la difficulté à les croire sur la place publique. On se dit, ben oui, mais regarde ce que tu fais dans ta vie privée, t'es tout croche avec tes enfants, avec ton épouse, t'es tout croche, tu fais toutes sortes de niaiseries, puis là après tu nous dis, oh, suivez-moi, je vous amènerai à bon port. Ah oui, montre-moi que toi-même, t'es capable de te rendre au port. Alors c'est sûr qu'un bon leader, c'est celui qui peut, par son caractère, démontrer qu'est-ce qu'est l'appel de Dieu, dans le cas d'une église, pas le cas d'un premier ministre nécessairement, mais qu'est-ce qu'est l'appel de Dieu dans ma vie, ensuite je vous invite à me suivre. Donc, la sagesse, la conduite. Ensuite, un bon pilote de bateau, c'est quelqu'un qui peut piloter ce bateau-là, qui peut diriger ce bateau-là durant les tempêtes. C'est bien beau quand il fait beau, quand le soleil brille, quand tout est bien, quand tu es en pleine mer, il n'y a aucun rocher, aucun ennui. Mais c'est lorsque les bateaux, d'ailleurs, doivent traverser des courants étroits où il y a des périls à gauche et à droite, c'est là que le pilote de bateau devient très important, que le capitaine devient essentiel. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de traverser l'Atlantique en bateau, un pétrolier ou un type de pétrolier. Je suis allé en Europe et puis un ami avait des connexions et j'ai passé 12 jours en mer comme ça, rien de confortable, un vrai voyage de bateau comme dans les films. Et puis l'idée, c'est que lorsque tu arrives dans le Saint-Laurent, il y a des pilotes, il y a des gens spécialisés qui viennent et qui prennent la gouvernance du bateau, parce que ceux qui traversent l'Atlantique ne connaissent pas nécessairement le processus pour amener le bateau à bon port à Montréal. Bon, tout ça pour dire que un bon capitaine, un bon leader, c'est quelqu'un qui peut amener le bateau à bon port durant la tempête. Ce serait dans une église, il y a des tempêtes. Je connais des églises qui ont traversé des tempêtes incroyables. Et le leader qui est bon va savoir comment négocier avec cette situation-là. Évidemment, dans des pays, c'est la même chose. Aux États-Unis, on parle de Katrina dans le sud. Il y a les gens qui se sont plaints beaucoup du travail du président Bush parce qu'il n'aurait peut-être pas présidé ce bateau-là d'une bonne manière. Enfin, c'est pas à nous à juger, mais tout ça pour dire que c'est dans des moments de tempête que là, ta capacité va être jugée comme leader. Ensuite, il y a différentes dimensions au leadership. Évidemment, vous êtes dans une église, on parle de la dimension du leadership chrétien. Il y a la dimension du leadership non chrétien. Mais ici, dans la dimension du leadership chrétien, on espère, enfin j'espère que vous espérez que votre leader, humblement ici, est appelé par Dieu à vous guider. Qu'il ne fait pas ça parce qu'il s'est réveillé un matin et qu'il s'est dit, ben tiens, je vais passer en église, ça serait le fun. Premièrement, c'est pas facile. Et deuxièmement, il faut que ce soit un appel, ou sinon ça n'a aucun sens. Et si ce n'est pas un appel, la personne, moi ou un autre, n'est pas équipée pour mener le bateau à bon port. Donc, la Bible dit que les anciens d'une église, les pasteurs d'une église, doivent être équipés de ce don de leadership, la capacité spirituelle d'amener le bateau à bon port. On espère que c'est la vérité. Venez avec moi dans 1 Timothée, petite lettre de Paul vers la fin du Nouveau Testament. Chapitre 5, verset 17. Ce serait la page 239 de cette petite Bible que vous avez. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens, un ancien, c'est quelqu'un qui est un enseignant et en charge de l'Église. Ça peut être les anciens, ça peut être l'ancien, seulement le pasteur principale, que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Donc, les anciens qui président bien, on nous parle ici de quelqu'un qui fait un bon travail, quelqu'un qui se dévoue à la congrégation, qui se dévoue à étudier et qui vous amène la parole de Dieu et non pas ses propres perceptions. Dans Hébreux 13, chapitre 13, verset 7, 17, 24, on parle la même chose, on parle du fait que l'ancien, le pasteur doit diriger l'Église. Vous allez voir dans un instant, je vais vous donner une liste d'un bon leader, et c'est pas une liste légère. Donc, on espère que le leader d'une Église est appelé et donc équipé avec ce don-là. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça s'arrête pas là. Vous et moi, mesdames, messieurs, les gens de l'Église doivent aussi reconnaître leur appel au leadership. Oui, il y a certaines églises, on parle de l'Église, où le pasteur se dit comme la seule personne en charge. Et tu vois que le pasteur, et vous êtes peut-être allé dans d'autres églises comme ça, le pasteur veut garder le contrôle à tout prix, ne veut pas remettre aucun leadership aux gens qui y participent. Alors les gens deviennent un peu comme désengagés, ils deviennent un peu comme des abstractions dans leur église, alors que un bon pasteur, un bon leader, c'est celui qui équipe les gens à vouloir être des leaders. C'est pas tout le monde qui est appelé à être un leader, mais si vous avez moindrement cet appel en vous d'enseigner, de diriger des gens dans une réflexion chrétienne, si vous avez moindrement le désir d'être impliqué et d'être un administrateur d'une façon ou d'une autre de cette Église, vous êtes donc équipé de le faire par Dieu. Et le pasteur qui veut vous empêcher devient un control freak, comme on dit en anglais. Hein, c'est quelqu'un qui micro-préside, qui micro-contrôle et qui veut que rien se fasse sans lui. C'est pas une bonne chose. Moi, au contraire, je peux vous dire que mon désir, c'est que vous preniez la barre le plus possible de toutes sortes de ministères. Il y a plein de places. C'est petit. Plus ça grandit, plus il y a des besoins, plus les leaders doivent émerger et plus le pasteur doit déléguer. C'est le mot clé. La délégation, déléguer. Ou je fais le travail de 10 hommes et je m'épuise. Ou je vous entraîne à faire le travail de 10 hommes et 10 femmes en étant 10 hommes et 10 femmes. Et moi, je me réjouis de ce qui se passe. D'ailleurs, le fait que vous êtes dans une église en santé, c'est ça que ça se voit. Et je peux vous dire, dans notre église, il y a déjà beaucoup de gens qui commencent à s'impliquer et qui commencent à avoir un désir d'être leader et serviteur. Les deux vont ensemble. Alors, on voit que l'Église est en santé déjà. C'est merveilleux. Et il n'y a rien de plus satisfaisant pour moi que de voir que des gens veulent prendre la barre et dire, moi, j'ai une vision, j'ai un ministère, je veux faire ceci, cela, ceci, je veux arriver plus tôt, je veux enseigner aux enfants, je voudrais faire un ministère aux sans-abri, Et pour moi, c'est de passer la barre, de voir ça. Le gouvernement, la direction, l'administration, ça se retrouve dans l'Ancien Testament, premièrement. Alors, on va regarder vite dans Ésaïe, immense livre de l'Ancien Testament. Ésaïe, c'est comme un microcosme de la Bible, c'est 66 chapitres, comme la Bible a elle-même 66 livres. Ésaïe, chapitre 9. C'est un des prophètes, c'est le plus long livre de prophétie. Chapitre 9, verset 6. Dans l'Ancien Testament, immense livre. Tu ouvres à un moment donné, puis tu tombes dessus, c'est garanti. 9, verset 6, page 677. Je vous donne les pages au début, en tout cas pour vous aider. Un jour, je vous laisserai chercher. OK. Alors, on voit ici que c'est Dieu qui nous donne l'idée du gouvernement idéal. Non, ce n'est pas les gouvernements comme on les connaît, ce n'est pas la démocratie, c'est le gouvernement idéal sur Terre. Mais non, il y a plein de fautes dans la démocratie. C'est peut-être le gouvernement ou le système de gouvernance qui est le plus sain, qui est le moins tyrannique, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait à l'origine. Chapitre 9, verset 6, où on peut regarder verset 5. Car un enfant nous est né, on parle évidemment de Jésus, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors regardez, renforcer la souveraineté, on dit que et la souveraineté reposera sur son épaule, et évidemment on ne parle pas de la souveraineté ici qu'on connaît peut-être, qui est mentionnée constamment ou souvent au Québec, mais on parle d'une souveraineté où le pays, où la population repose sur les épaules de qui? De Christ, de Dieu. Finalement, le gouvernement idéal, c'est une théocratie. Une théocratie, c'est où Dieu est en contrôle et les humains obéissent. Ah, ben, ça me semble facile. Faisons ça tout de suite. Mais voilà pourquoi ce n'est pas fait. C'est que c'est impossible, malheureusement, dans une communauté comme la nôtre, puisque les gens sont athées, les gens sont agnostiques, les gens pourraient pas, ils seraient incapables. Et même les chrétiens refusent de suivre les enseignements de Dieu. Donc, à ce moment-là, le mot Israël, qui était le peuple choisi de Dieu, il l'est toujours d'ailleurs, ça veut dire gouverné par Dieu, administré par Dieu. C'est ça, le gouvernement idéal, gouverné par Dieu. Le premier homme qui a été finalement un gouvernant ou un dirigeant, ce fut Moïse. Moïse a été choisi par Dieu pour amener le peuple, on sait, à travers le désert, et c'est lui qui était le premier ministre, le premier président de l'Israël, Moïse, très simplement. Plus tard, Israël s'est donné un roi qui était Saül. Parce que les gens disent, on peut pas juste suivre Dieu, on veut un homme. On veut une personne, on est inquiet. Évidemment, tu mets Saül, qui est bien bon au début, et finalement, Saül devient corrompu. Ah, mais ça ressemble à la politique d'aujourd'hui. Hein, les gens, ils se font voter, ils se mettent en place, ils sont merveilleux, ils sont beaux, ils ont des grands projets de changement de vie, et finalement, il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Et parfois même, ces gens-là deviennent corrompus, exploitent, volent, tyrannisent. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est une possibilité avec des humains. Voyez-vous vous-même, et c'est là qu'on voit qu'on peut pas être, on n'est pas nécessairement des grands premiers ministres, premiers ministres, on a plein de problèmes. Dieu avait organisé sa société autour de lui et Moïse était en charge. Moïse entendait directement de Dieu. Ensuite, Moïse dirigeait ou donnait à 70 personnes, on a regardé ce qui nous passait, 70 personnes recevaient des ordres ou des recommandations de la part de Moïse. C'est de la délégation, et là, le travail se faisait. OK? Le travail se faisait. Vous vous souvenez, on a parlé de Josué la semaine passée, qui était un serviteur hors pair, qui était serviteur de Moïse. Josué était fidèle dans toutes les petites choses, les petits commandements que Moïse lui donnait. C'était un jeune homme, on imagine. Et à la mort de Moïse, ou au moins au moment où Moïse n'est plus apte à entrer dans la Terre Nouvelle, c'est Josué qui reçoit le leadership. Ça veut dire ceci, ceux qui sont les serviteurs, on en a parlé la semaine passée, mais ceux qui sont les rameurs sous la cale vont à un moment donné être appelés à être leaders parce qu'ils sont fidèles à travailler, à faire avancer le bateau. Ils sont fidèles. Oh non, moi je ne veux pas ramer, je veux arriver une minute avant le service, je ne veux rien faire, mais je pense que je pourrais l'aider. Il me semble que je pourrais être un administrateur, je pourrais être quelqu'un qui présiderait. Vous laissez-moi présider. Et ça se passe constamment. Des gens qui se voient eux-mêmes comme de bons leaders. Un bon leader, vous vous souvenez, c'est la pyramide inversée. C'est celui qui sert un maximum. Celui qui sert un maximum. Le gouvernement dans le Nouveau Testament, c'est évidemment, c'est qui? C'est Christ. L'exemple dans le Nouveau Testament, c'est Christ qui est comme le président, premier ministre, dirigeant d'entreprise, pasteur, parfait. Il est parfait parce qu'il est humble. Il se sacrifie, il donne, il guide, il guérit, il pense aux autres avant de penser à lui-même. Le dirigeant parfait, c'est celui qui a toute la puissance et qui est humble. Un gars comme Bill Gates, par exemple, qui est évidemment à la présidence de Microsoft, qui est l'homme le plus riche au monde, c'est quand même poser des questions fondamentales, parce qu'on sait que, et c'est, j'oublie le nombre de dollars exact, mais c'est dans les milliards de dollars qui lui et sa femme et sa fondation ont donné à travers le monde. Au moins, il y a des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire avec cette puissance incroyable des milliards de dollars? Qu'est-ce que je peux faire? Ce bonhomme-là, avec l'appui de Bono, du groupe de U2, se sont mis à dire qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est des milliards de dollars, des milliards. Donc, des impacts incroyables en Afrique et tout. Son cœur, c'est autre chose. On ne connaît pas son cœur, mais ça veut dire que la puissance qu'il a, tu peux la voiler et la redonner. C'est ce que Christ a fait. Si vous avez une puissance, si vous êtes un grand leader, ce qui va vous montrer encore plus grand, c'est que vous êtes capable d'être humble et de redonner aux autres la capacité de faire de grandes choses. De faire de grandes choses. Jésus-Christ, l'exemple ultime, le leader ultime. Ensuite, Jésus choisit les 12 apôtres, qui sont des gens bien ordinaires, mais qui sont équipés par l'Esprit-Saint, et les apôtres, eux, choisissent les anciens. Les anciens, c'est ceux qui s'occupaient de l'Église à Jérusalem, ou aujourd'hui. On peut dire que les anciens d'aujourd'hui, un pasteur, c'est un ancien, auraient été choisis par l'appel de Dieu à travers les écrits des apôtres. Donc, il y a une espèce de passage. Regardez avec moi dans 1 Timothée, on était là tout à l'heure, petite lettre, Nouveau Testament, chapitre 3, et regardez comment les exigences de l'ancien, du pasteur, c'est un mot qui s'utilise à deux côtés, ancien, pasteur, interchangeable. Regardez, les exigences ne sont pas légères. C'est important de les connaître. Ensuite, vous pourrez regarder si votre ancien satisfait ces exigences. 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, page 237. On peut aussi les appeler les évêques. C'est des gens qui sont en charge. Chapitre 3, verset 1. « Cette parole est certaine, 1 Timothée. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. » C'est bien simple. Tu veux être pasteur? Tu veux être ancien? Tu veux diriger une église? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais regardez, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, à la fin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les pièges du diable. On va continuer, tiens, parce que la semaine passée, on a parlé du diacre, celui qui sert. Oh, mais là, le pasteur ou les anciens, eux, il y a des exigences importantes, mais moi, je ne fais que servir dans l'Église. Je mets des chaises en rangée. Bon, alors à ce moment-là, je peux faire n'importe quoi. Et regardez ce que ça dit, verset 8, c'est intéressant parce que ça met en parallèle les deux vérités. Les diacres, ça veut dire les serviteurs, les gens qui sont dans le bateau et qui rament, les diacres, pareillement, doivent être respectables, éloignés de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux, qu'ils conservent le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite le diaconat s'ils sont sans reproche. Que les femmes de même soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, ça c'est si c'est un mari, si c'est un homme évidemment, et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, si ça s'applique. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ Jésus. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mais il faut être parfait. Alors écoutez, moi ce que je conseille, c'est que j'ai les clés. On sort, puis on barre la porte, on ferme les lumières. Parce qu'il n'y a personne de nous qui rencontre toutes ces exigences-là. Mais nous sommes appelés à y tendre. Nous sommes appelés à vivre selon ces recommandations bien spécifiques. Et surtout le pasteur. Surtout le pasteur, surtout le gouvernant, surtout un premier ministre, surtout un président, surtout un PDG d'une entreprise. Alors qu'on voit partout dans les médias que c'est l'inverse, qu'ils font toutes sortes de niaiseries à gauche à droite avec l'argent qui appartient même pas à eux. Les exigences sont très très hautes. Mais oui, mais ça dit ici que l'évêque soit irréprochable. Mais ça veut dire qu'il est parfait. Non. Dans l'utilisation du grec, si ce qu'on veut dire, c'est une maturité. Il ne peut pas être parfait, mais il peut être mature. Et il peut tendre à respecter les évangiles et à vivre selon les vérités et les commandements de la parole. Et ça, c'est apaisant. Et aussi pour le pasteur et pour ceux qui sont qui pratiquent le diaconat, ça vous donne une façon de vivre. Une façon de vivre. Alors, on dit que Theodore Roosevelt, qui était évidemment un président américain, qui était admiré ou haï par tous, provoquait beaucoup d'émotions dans les gens. Un individu vient le voir et lui dit, « Monsieur Roosevelt, vous êtes un homme extraordinaire. » Et dans son honnêteté caractéristique, il dit, « Non, non, Monsieur Roosevelt, Teddy, comme il s'appelait, Teddy Roosevelt est simplement un homme ordinaire, comme vous et moi. » Un homme ordinaire, mais hautement motivé. Hautement motivé. C'est ça. C'est avoir un désir d'être un homme, une femme de Dieu. Je suis motivé à ce que cette église grandisse. Je suis motivé à ce que les gens du dehors me voient, et moi, et vous, comme des gens différents. Je suis motivé à ce que Christ soit élevé dans vos vies et dans la mienne. Et ça devrait être le même désir que vous, personnellement, vous ayez. On termine avec trois façons de gouverner. Trois façons de gouverner selon le pasteur qui a fondé Calvary Chapel, Chuck Smith, qui lui, après une étude, est arrivé à ceci. Premièrement, il faut gouverner, il faut présider, il faut être un leader dans la crainte de l'Éternel. Dans la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, tu te caches en dessous, puis t'as peur, puis tu dis rien. Mais non. La crainte de l'Éternel, c'est simplement honorer Dieu et reconnaître sa position en relation à la mienne, à la vôtre. Oh, je suis un PDG d'une entreprise, je suis donc un dieu. Mais non! C'est pour ça que les gens font des abus. Et les pasteurs font les mêmes choses. Au contraire, si tu sais que tu sers un dieu immensément grand et qu'en fait est une punaise à ce moment-là, tu vas être humble. Tu vas reconnaître que Dieu est tout-puissant, que si tu as des dons, si tu as des capacités, c'est à lui que tu lui dois. Donc, 2 Samuel 23:3 dit ceci, « Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui domine, ça peut être une autre façon d'utiliser le mot gouvernance, qui domine sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève par un matin sans nuage. » Il faut être dans la crainte de Dieu. Et j'espère que vous vous attendez à ça de ma part, ou sinon j'arrive ici avec arrogance, et ça n'a aucun sens. Ensuite, faut être dans l'empressement. Oui, l'empressement, qu'est-ce que ça veut dire? Vite, vite, il faut finir le message, vite. C'est pour ça qu'on va enseigner des messages de 10 minutes à partir d'aujourd'hui. Il faut être dans l'empressement. Mais non, c'est pas ce que ça dit. Le mot ici utilisé dans Romains 12:8, celui qui préside devrait le faire avec empressement. Je vous le relis pour être exact. Celui qui préside avec empressement. Empressement veut dire avec rapidité, avec énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? Un leader, c'est celui qui agit efficacement. Ah non, mais un jour, là, il y a des problèmes dans l'église, puis je vois que les jeunes veulent se rencontrer, parce que récemment, on me disait, il me semble qu'il y a des ados qui voudraient avoir une classe à leur propre niveau. Oui, mais on en reparlera dans 2-3 ans, là. Mais moi, pas de pression sur moi. L'idée, c'est que rapidement, il faut agir. Il faut reconnaître les besoins des gens, des brebis, d'une société, le maire de Montréal, le gouvernant, le premier ministre du Québec, tout ça, devrait rapidement reconnaître les besoins et agir. Non, non, dans 3 ans, on fera une nouvelle loi et ça va marcher. C'est pour ça que nos pays sont dans les déboires comme ils le sont et que les églises, souvent c'est le même cas, le pasteur a peur d'agir efficacement. Il faut être efficace, il faut être rapide, empressement. Ça veut aussi dire consciencieusement, d'être un bon gouverneur, de faire avec sagesse, de ne pas croire ses propres vérités ou ce que les gens disent. Oh, t'es si bon, t'es si merveilleux. Ah oui, bah, merci, c'est gentil. Mais on ne le croit pas parce qu'on est consciencieux. on est consciencieux. Et finalement, la troisième façon de gouverner, c'est en parlant la vérité de Dieu. Le problème avec nos premiers ministres, nos présidents, les gouverneurs d'entreprise, c'est qu'ils ont tous leur propre langage. Chacun d'eux décide de suivre une certaine théologie du monde, et ça varie avec les jours, avec les saisons. Le pasteur, on espère qu'il se fie là-dessus, et sur rien d'autre. Non, mais moi, j'ai des choses, j'ai une grande sagesse. Non, je n'ai rien à offrir que de parler la vérité. 1 Timothée 4,2 dit ceci, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. » Prêche la parole. Prêche la parole. On termine ensemble dans Hébreux 13, 7. Hébreux, petite lettre, vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux 13, 7. Et comme je viens de vous le dire, prêche la parole, c'est pour ça que je vous fais tourner à gauche, à droite dans la Bible, parce que vous savez que ce n'est pas mes paroles, mais c'est bel et bien la parole qui est noir et blanc dans l'Évangile et dans les lettres de Paul. Ici, Hébreu, on ne sait pas exactement qui a écrit Hébreu, possiblement Paul, possiblement un autre auteur. 13, 7. Hébreu 13, 7. Page 257. Souvenez-vous de vos conducteurs, un autre mot pour leadership, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Ici, on vous dit que ceux qui ont annoncé la parole de Dieu, leur désir, c'est de considérer l'issue des vies et il faut imiter leur foi. Ensuite, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte, attention. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Quand on dit de se soumettre à quelqu'un qui veut son bien, c'est très facile. Se soumettre à quelqu'un qui veut vous faire grandir, vous faire vous fortifier, car il veille au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte, il n'y a pas de problème. La soumission à quelqu'un qui vous aime, c'est sain. Comme un enfant à son papa, quand le papa est un bon papa et qu'il a un bel objectif, c'est sain. L'idée ici, c'est que le pasteur est responsable des âmes et il devra en rendre compte devant Dieu. Donc, c'est quelque chose que je prends avec grande révérence. Vos cœurs, que vous soyez 10 ou 1000, je prends votre cœur et votre tête avec grande importance et je serai jugé pour la façon dont je le fais. Alors, c'est un grand besoin, messieurs, dames. Oui, mais moi, j'ai un désir de l'idée. Je suis tanné d'être en bas puis de ramer. Ben, bonne idée. Aspirez à monter l'escalier, à venir au-dessus du bateau. Mais sachez une chose, c'est que vous serez battu par les vents, battu par les vagues, vous serez le premier à vous faire ridiculiser, vous serez et pas par moi, par le monde, par le travail du ministère qui est épuisant, mais si vous avez envie, embarquez, on n'ira pas vite, comme on dit, venez en tant que leader, ça me ferait bien plaisir de vous donner la place à toutes sortes de façons pour vous voir grandir comme leader. Mais celui qui sert est tout aussi important et tout aussi essentiel. Dieu a donné des leaders dans son Église, la pyramide inversée. On descend et on sert un maximum. Et souvenez-vous, comme on a dit que dans 1 Corinthiens 13, tous ces dons-là doivent être opérés dans l'amour. Alors, je suis un leader, suis-moi, tu dois être soumis, la Bible dit. Ah oui, est-ce qu'il y a l'amour là? Mais non. Hein? Si on sent que la personne en avant vous aime, c'est plus facile. Si on sent que son mari, si on sent que sa maman, son papa, ses amis nous aiment, c'est plus facile de suivre leurs conseils, leurs recommandations. Que Dieu vous bénisse. Puissiez-vous aspirer aux dons les meilleurs? Est-ce que c'est le leadership? Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est autre chose? C'est tout ça. Tout ça dans l'opération de l'Esprit-Saint, dans la joie de servir et dans l'amour que ces dons-là nous amènent. Seigneur, nous prions que il y ait plus de leaders dans notre communauté chrétienne. Que les gens aient un désir de prendre possession d'une partie du bateau et de devenir responsables pour amener le bateau à bon port. Nous prions pour les serviteurs, pour ceux qui veulent servir, pour ceux qui veulent leader, qui veulent gouverner. que nous puissions tous travailler ensemble à l'avènement de ta vérité sur terre, Seigneur. Nous te donnons cette journée. Guide-nous. Au nom de Jésus, nous prions.